Aujourd'hui, mardi, je me retrouve à côté d'Arlon, à la nouvelle ZATC, une ZATC qui vient de s'installer ce week-end, à Sablières. Je suis à côté de Maurice, qui va nous expliquer un peu la démarche. Donc voilà, bonjour Maurice. Bonjour. Une question que je me pose, qu'est-ce qu'il y avait d'abord? Est-ce qu'il y avait l'idée de faire une ZAD ou il y avait ce terrain où il y a une urgence pour intervenir comme activiste? Qu'est-ce qu'il y avait d'abord, ce terrain ou l'idée d'une ZAD? Alors en fait, c'est parti d'un appel à la ZAD d'un ou d'une habitante du coin, il y a un an et demi, et voilà, il y avait des copaines qui avaient vu l'appel et donc qui ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait ici, au projet de Idelux qui veut donc raser le terrain pour bétonner, pour installer. Alors dans des vidéos, on a cru comprendre un zoning de petites et moyennes entreprises, mais c'est pas très clair parce que maintenant ils changent un peu. Maintenant, au départ, ils disaient que c'était pour 2020, et puis maintenant ils disent oui, mais non, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2025. Mais Idelux, c'est qui? Idelux, c'est une intercommunale, donc c'est un pouvoir public-privé qui fait dans le développement économique dans la région de Luxembourg. Ils veulent installer un zoning industriel ici. Donc, de ce qu'on avait cru comprendre, pas un zoning industriel, mais un zoning de petites et moyennes entreprises, donc des bureaux, des parkings. Mais il y a plusieurs projets et ils changent un peu de discours maintenant. Pour revenir à la question, c'est d'abord cet appel qui a attiré notre attention. Ensuite, on a fait un travail de fond pour essayer de comprendre la situation. On a rencontré quelques riverains qui s'opposaient au projet, qui ont fait une pétition, qui ont écrit une lettre au bourgmestre, mais qui est restée lettre morte. Et qui n'ont jamais eu de réponse. Et ensuite, comme on avait toujours en tête ce chiffre de 2020, on s'est dit qu'il était temps d'agir. Puis c'est parti, on l'a évoqué aussi au camp climat qui s'est déroulé en septembre, où avec plusieurs militants, on a voulu recentrer les luttes pour le climat, en revenir à l'écologie, et plus seulement du climat, mais revenir à des luttes de territoire, des luttes concrètes dans lesquelles on peut recréer de la solidarité, du collectif, de l'autonomie. Ouais. Et par exemple, à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, il n'y avait pas que l'occupation d'un terrain, mais il y a aussi toute une vie qui s'est développée avec le temps, avec des projets d'agriculture ou d'autres projets. Qu'est-ce que vous comptez installer ici, sur le terrain? Alors ça, pour l'instant, c'est pas très clair. Nous, on essaye d'abord de s'installer ici de manière occupée et résister jusqu'au bout contre ce projet. Donc pour l'instant, on est occupé à construire des cabanes et s'installer, quoi. Le reste viendra après. Ok. Vous êtes bien dans la presse là, depuis ce week-end. J'ai vu, c'est un peu partout, RTL, RTBF, l'Avenir, tout le monde a donné présence, et plusieurs fois même, aujourd'hui encore, vous êtes dans l'Avenir. Ce qu'on voit, c'est que très vite, puisqu'il y a quelques tags à gauche et à droite, on essaie d'instrumentaliser ça, on essaie de décrédibiliser une lutte en exploitant des tags qui sont à gauche et à droite, ou ce qu'on appelle la dégradation. Est-ce que ça vous pose problème ou est-ce que ça pose problème avec les riverains, votre façon de mener des actions? Alors, c'est notre façon de mener des actions. Ce qu'il y a, c'est que ces tags et ces dégradations, disons que on les a pas décidées collectivement. On n'a pas fait une AG pour dire allons taguer gaiement Idelux. Ça, c'est un individu qui a décidé de le faire. Maintenant, on le racole au mouvement. Nous, ce qu'on répond aux médias, c'est que c'est un acte individuel et isolé. Alors, et après, ils en font ce qu'ils veulent. De toute façon, il y a des riverains qui vont sûrement pas être pour ce genre de choses. Il y en a aussi qui nous comprennent et quand ils viennent nous rencontrer sur place, ils voient bien qu'en fait on fait plein de choses bien et ils nous supportent vraiment activement. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent. Oui, il y a quand même pas mal de passages, non seulement des riverains, mais aussi il y a des allers-retours de militants d'un peu partout en Wallonie. Il y a même eu quelques flamands et aussi des gilets jaunes qui sont passés prêter main forte et amener de la soupe. Et, sympa. Voilà. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Et donc, maintenant vous installez un camp, vous allez construire... des cabanes, qu'est-ce que vous allez construire là ? Alors là, on est occupé de faire un sleeping parce que pour l'instant on est en tente et donc il fait encore un peu froid quoi. On a plein de couvertures et tout, mais voilà, on pense que c'est bien d'avoir un lieu en dur où on pourrait mettre un petit poêle pour pas se geler les miches l'hiver. Ah, ça commence à geler la nuit hein, maintenant. Ouais, c'est ça, ils ont annoncé les premiers gels, ouais. tout à fait. Ok, et pour les gens qui veulent suivre votre lutte, les gens qui se trouvent un peu plus loin, quelle est la meilleure façon ? Alors, là, on a créé une page sur Facebook. Alors, on sait que Facebook est un média à double tranchant. N'empêche qu'il rassemble quand même pas mal de gens. Donc, la page s'appelle Zablière Zad Darlon. Donc, c'est la contraction de Zad Sablière. Sinon, on a fait du tractage aussi, tout plein avant. Et on a fait un appel large à rejoindre la ZAD d'Arlon sur tous les sites d'infolutte de France. Voilà, ça a été relayé de Ménil-l'Église à Marseille, je pourrais dire. Oui, ouais, j'ai vu aussi sur les médias Bruxelles. Ouais, c'est aussi, très ouais. important parce que moi, je ne suis pas sur Facebook et mes compagnons. Évidemment, oui. Ne le sont pas. Donc, pour nous faire une média ou d'autres. Bien sûr. C'est important. On ne reste pas du tout que sur Facebook. On a aussi fait du porte-à-porte ici. On a été chercher les gens. Okay. Il y a l'envie de faire une séance d'information un peu à la librairie de Géraldine qui soutient la lutte. Ce sera une manière d'aller chercher aussi ceux qui ont peut-être un peu peur de venir nous rencontrer sur place et de briser quelques tabous. Vous avez déjà une date pour... Oui, alors ce serait mercredi prochain. Alors je sais pas... Le 30 demain. Ouais. Donc c'est le vendredi, donc le 5 plus ou moins, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être le 5. Ça va. Voilà, donc on a des projets en tout cas, on fait du porte-à-porte, on va chercher les riverains aussi, on ira tracter sur le marché ce jeudi. Et voilà, pour plus large, on fait en dehors de Facebook aussi, à travers les sites militants. Quoi. À fond, et puis on a utilisé aussi des mailing lists collectives, voilà, ça a tourné aussi. Ouais, ok. En fait c'est le 6, je viens de me réaliser, donc si vendredi c'est le 1er, ouais. Lundi c'est le 4, donc c'est le 6, voilà. Ça va. C'est quelle librairie ? C'est OVNI. OVNI ? Oui. Ah ouais, ah, c'est sympa. La seule librairie de gauche à Arlon. Ouais, c'est pas mal. Et pour les gens qui veulent soutenir ou amener du matériel ou quelque chose, de quoi est-ce que vous avez besoin le plus ? Alors, en vrai, on a besoin de plein de choses. D'abord, de la présence. Parce que c'est le meilleur moment pour se rencontrer, pour se rendre compte de tout ça. C'est même une simple présence qui vient discuter autour du feu, qui vient rencontrer qui on est, qui vient découvrir la zone. Ça fait toujours plaisir, chaud au cœur, quand y a quelqu'un qui ramène une petite soupe, un gâteau. Après, en termes matériels, on cherche des planches pour construire la cabane. On cherche des braseros, un pied de biche pour désosser les planches des palettes. Y a plein de choses, mais on va faire on travaille à une liste de matériel qui sera publiée sur la page Zablière Zad Darlon. Ouais. On fera aussi un post sur Indemedia pour indiquer ça. Oui, aussi, c'est important de bien expliquer où ça se trouve. Pour ouais. les gens qui ne sont pas du coin, c'est pas... Ouais. Alors on a essayé de faire une photo avec des indications pour montrer où était l'entrée. Elle se retrouve sur la page Facebook. On essaierait de la remettre aussi dans l'article. Ouais. En gros, moi je peux le dire puisque je suis venu en train, c'est à partir de la gare d'Arlon, on prend la route pour Virton. C'est ça, vers l'autoroute. Ouais, vers l'autoroute. Mais pour Virton. Et puis il y a le pont qui passe au-dessus de l'autoroute et juste avant le pont, c'est à droite. Voilà. En vélo, c'est comme ça qu'on va jeter. Ouais, super. Ok, ben merci beaucoup. Mais cher avec Maurice, plaisir. Et à certainement très bientôt. Super, ben merci à vous. Oui, au revoir. Au revoir.